rafale. Mais toi tu crois quoi, on a la dalle ici. Complètement rabat, t'inquiète pas que je ferai tout pour pas finir à Saint-Anne ou à Tahiti. On attrape le deal avec mes quatre belles. Propose tous les défis, j'prends la porte lequel. J'veux mourir sur le ring comme Apollo Creed. Démarrage américain quand l'Apollo crie. Tu prends le titre à l'aide de tous ce Zéo. Des riches d'architectes, mais tes seuls amis sont que des zéros. J'suis avec mes frères, on gagne, c'est l'équipe qui perd. C'est dans le cas contraire, malgré les défaites, on change pas l'équipe qui perd. Ouais, ouais. Vu que c'était la débanta, m'a dû agir comme débanté. De vive voix, l'envie de femme comme si ma vie en dépendait. J'étais petit, je voulais me faire la terre entière. C'est quand tu t'es salé que ça devient de pire en pire. T'y crois plus depuis que t'as raté. Car la vie joue sur ton caractère. On a dû resserrer pour pas faire de grosses erreurs. Certains sont enterrés, on va venger leurs rats. On bannit les traites, les éléments cancéreux. Faut croire en ses rêves, comme ça qu'on s'est inséré. On te sert, comme l'équipe des Lakers. Deux airs, le grave from a neck. On ressortirait les gueules. Vérité se cache dans les cœurs. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Pour rendre les miens fiers. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je n'ai rien à perdre. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Tu veux déclarer la guerre. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Ouais. Si on veut avoir la paix, il va falloir s'entraider. C'est bien de savoir frapper, c'est mieux de savoir encaisser. Tout seul, tu vas plus vite. À plusieurs, tu vas plus loin. Je viserai le soleil, quoi que tu me dises. Quitte à ce que je ne vois plus rien. On fait la paix, moi et ma passion. Donc rien à faire, je mise tout. La voie que j'ai prise est à sens unique. Ouais, je peux pas faire demi-tour. Y'a ceux qui tapent des mains et ceux qui tapent sur le ring. Je veux canner sur scène comme Apollo Creed. Je veux pas savoir ce que j'ai pas pu devenir. T'es sûr de mourir, hey, t'es pas sûr de vivre. Qu'est-ce que j'entends, hein? Paraît qu'on veut me rentrer dedans. Je souris même quand mes ennemis montrent les dents. Je ne vais pas prendre de gants ni même attendre. Demain l'avenir entre nos mains. Je pars à l'entraînement quand je pense que des enfants s'élèvent en France. Seul je rentre le ventre et j'affronte le vent. Pensante le vent qu'il faut prendre le temps. Quand les gens te demandent faut engendrer le manque. Peu importe la manche, il me reste encore des cardias. Mon cœur est immense, ça aide pas pour le cardio. Dans la demeure jusqu'au cou, mais j'irai jusqu'au bout. Sur la vie de ma mère, je réagirai juste au cou. J'en veux toujours plus comme vous. Ouais.